Radiomatique. My hero is my friend. Pour amorcer la transmission 557 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste américaine May Simonnes de son premier album Animaru, qui est paru le 2 mai 2025. Nous écoutions la chanson Sasayuku Sakebu. C'est le projet Another View qui lance sans attendre la prochaine séquence musicale. Thank you. Audiomatic, nous venons d'écouter Depeche Mode et la composition It Doesn't Matter 2 de l'album Black Celebration. Avant Depeche Mode, c'était la compositrice vénézuélienne Oksana Linde, de qui, en fait, elle nous offrait Horizontes Lejanos, composé en 1991 et apparaissant sur l'album Travesias. Et pour amorcer la séquence, c'était le projet solo Another View mené par Adrian Smith, un des membres fondateurs du groupe Click Click. Donc, de Another View, on écoutait la composition Winter apparaissant sur l'album Look, originalement paru sur cassette en 1980 et réédité dans le coffret vinyle A Career in Dancing, regroupant les productions d'Another View entre 1979 et 1981. Audiomatic se poursuit maintenant avec le groupe français Tomoto. Like me. d'amour et de larmes dans les armes des nuits. Je t'aimerai encore dans la nuit. D'amour et de larmes dans les armes. Nous avions droit à Audiomatique, au duo français Barbara Rivage, de son premier album « Tout sera beau » qui est paru en 2024. Nous écoutions la chanson « D'amour et de larmes ». Précédemment à Barbara Rivage, nous avions droit à la formation française Albert Jupiter, de son premier album « We are just floating in space » lancé en 2019. Nous vous avons offert la pièce « Hubert en colère ». Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait du groupe français Tomoto, de son mini-album homonyme paru le 12 mars 2025. Nous avons diffusé la chanson-titre. Audiomatique se poursuit sur la musique du groupe « A Split Second ». Thank you. Betrayal in the conducts, an absence of substance in À Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le groupe Manufacture et sa composition Ballet Mécanique apparaissant sur le premier album Terror Vision publié en 1988. Avant Manufacture, c'était le projet Boom Factory et sa composition We Get Fat tirée du mini-album Taste the Lash, sorti en 1989. Et pour amorcer la séquence, c'était le groupe Split Second de l'album compilation homonyme paru en 1988. Nous avons entendu la pièce Scandinavian Belly Dance. En conclusion de cette transmission 5-5-7 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre l'artiste anglais Peter Murphy de son 11e album studio Silver Shade, lancé le 9 mai 2025. Nous entendrons la chanson Sailmaker's Charm. La transmission 558 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM dès 17h. Avant d'être rendu accessible sans contrainte spatio-temporelle à travers les archives numériques d'Audiomatique, dont une des portes d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Peter Murphy et la chanson Sailmaker's Charm. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Of shore was his breast, so contained he brushed a crumb, and how now was his name a singular strange beauty jam. So you get so you get to the core to show that you know your eyes a blizzard. Your white rain, no snow, as you tear apart the same.